Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 55. Ok. Vous allez continuer à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got that lipstick smeared around my face. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour à tous et bienvenue à Puissance Maximale, votre émission d'interludique sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Oui, excusez-moi, j'ai eu une hésitation pour la semaine passée, on a eu un problème de micro et je me demandais si... Putain, on aurait pu tourner la page là-dessus, mettre ça dans le passé, faire non, c'était un mauvais chapitre, mais non, fallait t'en mettre ça sur la table. Hein? Ouais, mais en fait, c'est parce que je m'entendais pas, j'ai encore un autre problème. Il y a du volume, c'est haut, par les écouteurs. Ouais, ben c'est ça, je me suis rendu compte que le mien était pas assez haut, mais... Tout ça étant dit, bienvenue à Puissance Maximale, mesdames et messieurs, votre magazine d'intérêt ludique en ce magnifique jeudi 2 mai 2013, mesdames et messieurs. Et oui, c'est le mois de Marie, le mois le plus beau, et il faisait chaud jusqu'à matin, là. Maintenant, c'est terminé, l'hiver est de retour. À Lévis, il y a eu un peu de neige sur l'heure du dîner. Pas vrai? Elle était fondante, là, mais tu sais, il y avait un heureux mélange de pluie et de neige. La mère nature m'a écouté et nous renvoie l'hiver. C'est bien ça. Non, c'est une blague. Pense à toutes ces demoiselles qui ont commencé à raccourcir leurs jupes. C'est pour ça que j'aime aussi l'été. Et voilà, c'est dit, je l'avoue, j'aime les femmes. Donc, continuons dans un ton plus sérieux. Et oui, aujourd'hui, mesdames et messieurs, encore une grosse émission et je vous présente l'homme que vous avez entendu en même temps. Moi, monsieur Andrew Castegan à la mise en onde. Comment ça va, Andrew? Ça va très bien, monsieur Michaud. Et là, on a une grosse émission cette semaine, mais on le dit à chaque semaine, mais là, cette semaine, c'est encore plus vrai. On vous ment pas, mais on a cru qu'on vous a jamais menti, mais... C'est parce que là, mesdames et messieurs, on va vous parler tout d'abord, moi, je vais vous parler... D'un jeu de plateau qui s'appelle Dungeons & Dragons The Wrath of Ashardalon, donc la colère d'Ashardalon, dont je vais vous parler tout de suite après la première pause musicale. On a aussi M. Julien Materne en studio. Bonjour M. Julien. Salut les gars. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et là, tu t'amènes aujourd'hui pour nous parler comic book pour deux raisons, parce qu'en fin de semaine, c'est le Free Comic Book Day le 4 mai. Et aussi parce qu'il y a un nouveau film d'Iron Man qui sort dès ce soir en cinéma, donc on va faire un petit spécial comic book Iron Man. Ça ressemble beaucoup à ça, oui. Excellent, donc on va te retrouver Julien un peu plus tard dans l'émission. Et on a une grosse annonce à vous faire un peu plus tard dans l'émission, donc bien évidemment, on vous garde ça en suspense. Finalement, pour la fin de l'émission, on vous demande bien évidemment de rester à l'écoute pour écouter nos excellentes chroniques, notre excellente musique et ensuite pour être témoin de cette annonce qui sera finalement une annonce sur le futur de Puissance Maximale. Et Monsieur Castegan, on va partir en musique. Oui, bien sûr. Et quelle sera la première chanson? I Am The One. Oui, et ça c'est tiré de la trame sonore de Dragon Age Origin. Et vous entendez ça sur Puissance Maximale, sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Bonjour, c'est Esteban des Cités d'Or. Vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale. Et je suis à la place d'Andrew Castegan à la console. Donc, parce que les informations pour ma chronique sont sur l'ordinateur de la station. Donc, merci Andrew de m'avoir laissé ta place. Là, s'il y a un problème technique, ça va être complètement... Moi, c'est un coup d'état. Monsieur Michaud veut prendre tout contrôle de Puissance Maximale. C'est à moi tout ça. Non, moi, je trouve qu'il y a un sérieux manque de professionnalisme. Il n'est pas arrivé prêt. Il fallait qu'il aille sur Internet, puis voilà. Qu'il sorte ses notes, puis qu'il déloge le metteur en onde de son siège confortable. Et oui, M. Castellan, tout à fait. Moi, je plaide coupable à tout ça. Mais tout ça pour une bonne raison, parce qu'on va faire une belle chronique, mesdames et messieurs. Une chronique jeu de société, jeu de plateau. Et oui, je vais vous parler du jeu Wrath of Ashardalon de la série Donjons et Dragons. En fait, c'est un jeu de plateau style Dungeon Crawler. Ben, pour ceux qui ont déjà joué, là, on a joué à des versions avec Andrew, on en a déjà parlé à l'émission, là, des versions plus humoristiques. On parle entre autres de Munchkin et de Order of the Styx. Et là, moi, j'ai joué une version sérieuse, entre parenthèses, donc dans la série Donjons d'Aragon. Donc, finalement, on se retrouve avec un jeu qui a été publié en 2011 par, évidemment, Wizards of the Coast. Un jeu pour une à cinq personnes, 12 ans et plus. On dit 60 minutes sur la boîte. Nous, ça nous a pris un peu plus que 60 minutes. Il faut dire qu'on apprenait à jouer, moi et un autre de mes amis qui était présent. Alors, je tiens à saluer M. Frédéric Marquis, auditeur de l'émission et propriétaire du jeu en question qui nous avait invité à jouer. Ouais, mais nous, incluant l'autre personne qui était là, M. Luc Lavoie. Mais c'est pas grave, j'y en veux pas, parce que je sais que normalement, il m'aurait invité. Ben oui, tout à fait. Tout à parce fait, que je n'étais pas disponible. En fait, Frédéric Marquis est notre maître de jeu lorsqu'on joue à Pathfinder, donc voilà. Donc c'est ça, il nous dit 60 minutes pour une partie, c'est tout dépendant de la partie que vous allez faire, parce qu'il y a différents scénarios. Donc, un Dungeon Crawler, pour ceux qui savent c'est quoi, finalement, un explorateur de donjons. C'est qu'on va, notre plateau est que... Et fait finalement avec des tuiles qui s'interchangent. Donc finalement, c'est peu importe où ce que vous allez être. Ben, quand vous avancez, finalement, il y a des nouvelles tuiles qui apparaissent comme ça pour former le plateau complet. Et là, à ce moment-là, vous allez avoir des monstres qui vont apparaître et aussi d'autres événements lorsque vous arrivez dans cette pièce du donjon. Donc un peu comparable à Zombie ou possiblement pour les plus anciens de nous, à HeroQuest. Oui, tout à fait. Ben, en fait, HeroQuest, c'est ça, c'est dans les premiers Dungeon Crawler. Mais c'est ça, c'est dans cet esprit-là. Donc, un jeu d'ailleurs qui a été nominé pour le prix 2011 du Golden Geek Best Thematic Board Game. Donc, c'est un jeu d'aventure, exploration, fantasy. Et il y a des miniatures dedans. Un gros point fort de ce jeu-là, finalement, c'est ses miniatures. Qui sont... écoute, c'est pas toutes couleurs différentes, bien peinturées, c'est pas en plomb, mais c'est un bon plastique. C'est des belles miniatures bien détaillées, ce qui rend évidemment l'aventure encore plus intéressante lorsque vous avancez dans ce donjon-là. Nous, on avait fait une aventure finalement où on se prenait dans un donjon, il fallait abattre le boss. C'était tout simple comme scénario, et le boss était un Beholder. Donc, je me rappelle pas c'est quoi le nom en français de cette créature-là, par exemple, du Beholder. C'est en tout cas une grosse. Un tyranneuil. Merci beaucoup. Andrew, oui, merci, fils de la langue française. Oui, effectivement. Un tyranneuil, donc un Beholder. Une grosse bébite qui flotte, sphérique, avec un œil géant dans le milieu et des tentacules avec des œils au bout. Et habituellement, c'est des créatures qui étaient assez anti-magiques, lancent des rayons. C'est assez fort, finalement. Donc, en fait, le concept, c'est qu'on a un perso déjà fait qui a deux levels. On commence évidemment au level 1 et plus vous avancez, vous allez acquérir des points d'expérience et vous avez la possibilité d'augmenter de level lorsque vous avez un 5 points d'expérience à dépenser dans votre banque et que vous pogniez un 20 naturel sur le dé, donc lorsque vous lancez votre D20. Mais habituellement, c'est pas compliqué. Pour les combats, c'est vous lancez un D20, quand vous touchez la créature, oui, faites un de dégâts, à moins d'avoir un pouvoir qui fait des dégâts supplémentaires, c'est inscrit sur la carte. Et la plupart des monstres de base ont un point de vie ou deux quand ils sont plus coriaces un peu. Et le boss qu'on avait rencontré en avait 9. Donc c'est quand même... puis on n'a pas tant de points de vie que ça. C'est quand même un jeu principalement stratégique. C'est pas exactement les mêmes règles que Donjons Dragons. Pour ceux qui connaissent ça, là, qui ont joué, faut pas trop s'attarder à ça. C'est vraiment des règles à part qui s'apparentent à Donjons Dragons, mais pas aussi pointues. Donc on va se promener comme ça, découvrir des trésors aussi. Lorsqu'on tue trois créatures, on obtient un trésor. Donc, ça peut être soit des potions de guérison, des parchemins pour faire des sorts, des capes qui vous aident à passer un tour. Si une bébite qui arrive vers vous en premier, ben finalement, vous ne verrez pas. Puis, elle va voir juste au prochain tour, ce qui peut être assez stratégique. Et aussi des armes magiques qui peuvent vous permettre de faire plus de dégâts ou avoir plus qu'une attaque, finalement. Donc, plusieurs trésors comme ça. Donc, tout en avançant, on découvre des trésors, des créatures, on combattra plusieurs créatures, et c'est comme ça qu'on va faire notre petit bout de chemin. Il y a des créatures qui peuvent nous faire des effets aussi sur notre personnage, comme être dazed. Donc, à place de pouvoir bouger et attaquer dans notre tour, ben finalement, on pourra seulement bouger ou attaquer. On pourra pas faire les deux. Et vous pouvez être aussi empoisonné, qui vous fait perdre des points de vie pendant un certain temps, en plus des dégâts que les monstres vous font. Donc, écoutez, c'est un jeu qui est quand même assez complet. Il y a environ, je pense, il y a une quinzaine de quests de base dans le jeu de base quand vous allez vous le chercher. Il y a évidemment des expansions qui viennent avec ça. L'expansion Castle Ravenloft Grey Hag et l'expansion The Legion of Drizzt, dont Drizzt Do'Urden, là, qui est le grand héros, le même, on pourrait dire super-héros du monde de Forgotten Realm, avec la quest Vierna Do'Urden. Donc, qui est dans la famille de Drizzt, bien évidemment. Et il y a aussi deux autres expansions qui s'appellent Wrath of Ashardalon, Bonus Adventures, Servants of the Thunder Shaman, et Wrath of Ashardalon, Kobold Champion Promo. Donc, un champion kobold. D'ailleurs, on a rencontré différents types de créatures. Les créatures, c'est pas juste des tanks qui vont juste vous varger dessus. Vous tombez sur des créatures de type vigile. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller dans la prochaine tuile, donc faire popper le monstre qui est dans l'autre tuile, et aussi n'importe quel event n'importe quel événement qui est rattaché à cette tuile-là va allumer, va arriver à cause de lui. Ça fait qu'il peut popper 2-3 sables, il y a plein de monstres qui vous arrivent dessus, ce genre de créatures-là. Il y a des types plus magiciens, plus tactiques aussi, et évidemment des tanks. Dans les personnages que vous pouvez jouer, il y a le rogue est un demi-orc là-dedans, et c'est principalement un personnage qui attaque avec une arbalète, et cette arbalète-là, elle permet finalement de pousser les gens dans d'autres cases, de les ramener aussi, de les faire bouger. Un personnage très tactique. Normalement, quand vous rencontrez des portes piégées dans le donjon, vous n'êtes pas obligé d'avoir le voleur pour les débarrer. Enfin, pas les portes piégées, mais les portes barrées. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le voleur pour les débarrer, mais nous, on l'a fait plus roleplay. Et finalement, on s'est permis d'attendre que le rogue arrive pour débarrer les portes. Il y a aussi un magicien qui va vraiment être dans l'attaque, aussi dans la tactique, où il peut faire passer des tours à des personnages, les déplacer également. Il y a le combattant nain qui est très, très, très basic, des points de vie, puis tout ce qu'il fait, c'est attaquer au corps à corps. Il y a également un cléric et un paladin. Donc, le cléric est là surtout pour guérir les autres personnages, et le paladin aussi, mais il peut pas se guérir lui-même, contrairement au cléric. Donc, c'est assez de base, comme vous pouvez voir, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant, parce que ça fait justement, disons, finalement, on n'a pas le temps de faire une partie de jeu de rôle complète qui peut prendre quand même 2-3 heures. On peut y aller avec une petite partie rapide. Il y a des parties plus longues aussi, même en plusieurs parties. Et je me suis fait dire aussi par Monsieur Marquis, qui m'a reçu chez lui pour le jeu, que finalement, c'est ça, ces expansions-là, même le Castle Ravenloft et le Legend of Drizzt, ben, c'est tout compatible ensemble. Donc, vous pouvez jouer les quests avec les persos d'une autre boîte, ce qui fait que ça peut amener justement des dynamiques différentes. Mais est-ce que, comme dans Donjon Dragon, on peut improviser notre propre quête, ou c'est faut vraiment s'en tenir à ce qui est dans la boîte? Non, c'est ça, c'est vraiment dans les boîtes, parce que c'est vraiment un jeu de plateau, là, c'est pas vraiment. Mais remarque que tu peux peut-être prendre le temps, parce qu'il y a du fan, il y a des fans qui font des quests sur Internet. C'est sûr que tu veux prendre le temps d'écrire ta propre quest avec le matériel que tu as sous la main, bien évidemment, ça se fait. C'est juste qu'il faut faire. J'imagine que ça travaille plus long, parce qu'il faut quand même prendre le temps qu'il faut pour les rendre. Balancer ces quests-là, parce que c'est sûr que, tu sais, il y a la plupart, il y a beaucoup de trucs qui sont pas écrits, parce que c'est la surprise de on arrive là, puis on pige. Finalement, quand on arrive dans une pièce, les créatures sont pas déterminées à l'avance, là, on tire une carte. Donc, tu sais, sur ce côté-là, c'est sûr que tu peux jouer là-dessus. C'est plus linéaire qu'un zombie, par exemple, ou qu'un HeroQuest, qu'à l'époque, on dit ce qu'on avait à faire, c'est prendre les meubles, les mettre sur le petit plateau, puis advienne que pourra. Un petit peu, mais il y a quand même, nous, on a joué une quest assez linéaire où on va péter à gueule au boss, mais il y a quand même des quests d'aller chercher un trésor ou aller le cacher, tandis qu'il y a un autre bébite qui nous court après. Il y a quand même d'autres genres de quests. J'ai juste joué justement à une quest qui était assez basique, mais très, très intéressante. Puis ce qui est le fun, justement, comme disait Frédéric, pour le nommer, tu sais, les parties, comme n'importe quel dungeon crawler comme ça, les parties s'assemblent pas, parce que c'est pas les mêmes monstres qu'on va pogner au même endroit. On a été chanceux, nous autres, on n'a pas eu trop de misère, mais à la fin, c'est temps que ça finisse, parce que notre prêtre était très magané, notre mage aussi. Donc, mais tu peux arriver avec des pas être chanceux vraiment, pogner des gros monstres dès le départ, te faire défoncer la gueule, puis la partie est finie, t'sais. Fait que c'est pas toujours la même chose, faut être vraiment tactique dans ce genre de jeu là. Donc écoutez, pour les amateurs du genre de jeu Dungeon Crawler, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant, justement à cause de la qualité du jeu. des miniatures. C'est vraiment pas compliqué à apprendre parce que c'est les basiques du jeu de rôle pour ceux qui connaissent ça. Puis même pour ceux qui connaissent pas ça, c'est pas compliqué. Un jeu, c'est vous avancez. Un tour, c'est vous avancez. Vous avancez, vous découvrez une pièce, puis ça finit. Ou vous avancez, puis vous attaquez. Ou dans ce qu'on appelle la phase du héros, ben vous allez utiliser finalement une action, un pouvoir que vous avez qui vous permet de l'utiliser dans la phase du héros. C'est simple comme ça, c'est pas plus compliqué que ça, les tours. Puis les monstres, ils jouent au tour finalement, à tout de suite après la personne qui les a découverts. Donc mettons qu'on est trois, là, on est trois ici, moi je rentre dans une pièce, je découvre une pièce avec des monstres dedans, ben moi c'est fini, ils attaquent tout de suite. Puis après ça, c'est à vous. Puis quand on en revient à moi, je joue. Puis après ça, les monstres jouent. Et c'est comme ça que ça joue. Et de là, la cape, tantôt que je parlais, quelqu'un, pendant la partie, avait réussi à avoir une cape, une Cloak of Elvenkind, donc une cape d'elfe. Ce que ça permettait, c'est qu'il découvrait une place. Les monstres le voyaient pas ce tour-là. Donc, il attaquait finalement au tour d'après. Donc, il découvrait la place. Moi, j'arrivais. Je pouvais attaquer. Puis les monstres attaquaient tout de suite après moi. Donc ça donne quand même un avantage stratégique. Il faut le jouer et donner ça à la bonne personne, qui est disons la personne qui va explorer le plus souvent, ou la personne la plus faible en point de vie. Des fois ça aide si en plus c'est la personne qui est souvent partie à go. C'est un jeu coopératif pour ceux qui l'avaient pas compris, contrairement à des jeux comme Munchkin ou Order of the Stick, où le but c'est que toi tu dois gagner en devenant le meilleur des héros, mais là-dedans c'est l'équipe. Et quand un personnage meurt, ben là quoi, c'est fini. C'est pas les cinq, s'il y en a un qui meurt, c'est fini. Il y a la possibilité d'avoir quelque chose qui nous guérit quand on revient, là. Mais de base, c'est pas mal ça. Il faut vraiment jouer tactique, sinon la game peut finir assez rapidement. Donc voilà, c'est en gros c'est ça. Là, pour les amateurs de Dungeon Crawler, c'est quand même assez bien. Ça révolutionne pas le genre, loin de là. Mais c'est quand même un jeu de bonne qualité que vous pouvez retrouver chez tous vos marchands de jeux de plateau préférés, que ce soit à Québec ou ailleurs dans le monde. Et donc je vous parlais de Dungeons & Dragons Wrath of Ashardalon. Et voilà, je rappelle, pour les 12 ans et plus, 61 minutes on dit pour une partie, mais mettez-en en plus, surtout pour une première, et tout dépendant de la quest que vous allez jouer dans la boîte. Il y a évidemment, en plus de ça, il y a deux autres jeux, Castle Ravenloft, Greyhag et Legend of the Rist, Vierna, Dohjurdun, que vous pouvez rajouter à tout ça, plus des expansions de cette version-là. Et voilà. Donc, Monsieur Castegan, écoute, là, je vois que t'es près de moi, mais je pense que je vais être bon pour m'en sortir. Non? Ah, il va falloir que je baisse le volume de la... Ah, voilà. Là, c'est bon, je prends un cours live de radio. Alors, merci beaucoup, M. Castegan. Et on va y aller tout de suite avec un homme que j'aime bien, Monsieur Richard Desjardins, avec sa chanson Boomtown Café. Puis là... Et voilà, merci, M. Castegan. Donc, on va fermer la musique d'ambiance, là, comme ça. Puis on va y aller avec la vraie chanson, avec M. Richard Desjardins et sa chanson Boomtown Café. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Koulou-Koulou, au Boomtown Café. Je vous souhaite de passer une agréable veillée avec mes chansons. Et je vous souhaite surtout, du succès dans vos amours. Jusqu'à la fin de la nuit, le soleil s'est couché dans toutes les télés d'Amérique. Les chars ne bougent plus, les gens non plus, comme dans un grand rêve électrique. Le délivreur de bière remonte la rue dans le sens contraire. Pousse le matou dehors, c'est ta soeur que tu sors. Laisse tout ça là, viens voir le monde veut te voir. Un peu d'amour, ça te fera pas tort. Laisse une lampe allumée, le voleur pourra s'enfarger. Oh, bienvenue au Boomtown Café, tout le monde est arrivé. Le show peut commencer. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, c'est bien mieux de retourner à l'âge dehors. Y'a une grosse tempête de neige. Il y en a qui disent que le bonheur c'est comme l'avenir, c'est pour plus tard. Ils disent encore, parle pas trop fort, serre ta guitare, on pourra penser que t'es pas mort. En attendant, face à face, on chauffe l'enfer à petite misère. Mais moi je te désire toujours si désirable. On a mis la musique à table, du petit vin fou, puis des baisers partout. Je t'invite à venir dans la forêt cette nuit. Oh, bienvenue au Boom Town Café, tout le monde est arrivé. Le show peut commencer. Ouvre tes yeux, ouvre ton cœur, c'est bien mieux de retourner. Allez, je te roule une grosse tempête de neige. Je suis Monsieur Fall et vous écoutez Puissance Maximale. Et oui, de retour à Puissance Maximale et Monsieur Castagan est de retour à la console et moi de retour à mon micro d'animateur. Et nous irons tout de suite avec une chronique de Monsieur Julien Materne. On va parler comic book et on va vous parler aussi du Free Comic Book Day qui s'en vient. En fait, ça va être ce samedi. Et évidemment, là, tous les bons magasins de comic book qui se respectent célèbrent ce jour béni des dieux. Et là, Julien, tu vas nous parler de ce jour justement. Le Free Comic Book Day, c'est une, on peut appeler ça une tradition maintenant, je crois, vu que c'est quand même relativement organisé en Amérique du Nord. C'est une journée thématique que les compagnies de... Dans le fond, c'est le premier samedi du mois de mai à chaque année depuis, je crois, 2005. C'est depuis le premier Spider-Man, je me souviens de Sam Raimi. Si je me trompe, c'est bien 2005. Bon, bonne question. Suis-je fou, M. Castagan? On va checker ça, bon, on va check ça, check ça. Donc, le but étant d'amener de plus de lecteurs à ce merveilleux monde du comic. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'on le dit souvent, mais le comic book, là, ça a beaucoup évolué depuis l'époque, depuis les années 60. Là, c'est pas juste pour les gamins. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour n'importe qui d'autre que les gamins. Plus là. Ça va, plus c'est, on parle du jeune adulte, de l'adolescent, puis même de l'adulte, parce que comme beaucoup de compagnies se sont rendues compte, les gamins qui lisaient en 1980 ont vieilli avec leur comic, donc il faut que ça tienne compte de cette réalité. Là. Faut que les thèmes suivent. Là. Et effectivement, et aussi on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de lectorat féminin. Donc ça suit aussi beaucoup plus de caractère féminin fort. Pas encore assez selon certains. Que je peux aussi dire que oui, la demoiselle en détresse, c'est encore un phénomène à la mode dans le monde. 4 mai 2002. Ah ben oui, je suis un peu fou. Mais tout ça pour dire que c'est le premier samedi du mois de mai à chaque année. Le but étant de faire rentrer plus de monde dans ce monde merveilleux du comic book. Et chaque boutique participante aura une sélection de comics gratuits. Évidemment, il faut qu'ils déboursent pour vous donner. Donc, remerciez tous vos détaillants que vous ramassez vos comics parce que ça sort de leur poche, mais qui sont des éditions spéciales ou des rééditions faites par les compagnies comics comme DC, Marvel ou Image, Dark Horse et compagnie, justement, pour vous montrer ce qui s'en vient. Souvent ça va être des previews ou souvent ça va être un numéro à part qui n'ira pas démolir la continuité d'une série, simplement pour vous un petit spin-off pour vous donner un avant-goût de qu'est-ce qui s'en vient cette année. Comme l'an dernier, bizarrement DC avec le New 52 qui était le relaunch entre guillemets de la marque DC, il avait envoyé un preview de l'event de cette année qui commence le mois prochain, qui était Trinity War. Donc on avait un avant-goût d'un an à l'avance de ce qui s'en venait. C'est agace, ça. Effectivement, merci DC de nous faire patienter, mais ça prend à booster les ventes de Justice League énormément. Mais là, à Québec, là, on a des endroits, on connaît tous l'imaginaire. On a aussi le premier issue qui, selon moi, en tout cas moi, c'est mon magasin préféré côté comic book à Québec. Ouais, parce que s'ils l'ont pas, personne là. Qui est sur la rue d'Auteuil, là, vous c'est tout de suite après les portes, la rue après les portes en montant, vous tournez à droite, puis vous pouvez pas les manquer. Petite boutique, mais vraiment, là, ils ont de tout, c'est des experts. Deux plus, étages, hein, fiez-vous pas, il y a vraiment deux étages. Ouais, puis en plus, je peux vous dire que la gang qui travaille là, c'est des passionnés, ils sont vraiment le fun à parler, puis vous savez pas par où commencer, allez les voir, ils vont vous diriger. Mais là, à part l'imaginaire, première issue, il y a qui d'autre? Il y a le TPM aussi qui participe. TPM, je crois que celle de Fleur de Lys, oui. La boutique de Capital, probablement aussi, j'ai pas été les dernières années. Je peux vous dire, mais fort probablement aussi. À chaque année, ils ont une petite table réservée à ça. Donc, évidemment, tout dépendant où est-ce que vous êtes à Québec, vous pouvez toujours aller profiter de cette journée-là. Ou faire comme moi, aller aux trois. Moi, je vous conseille fortement d'y aller de bonne heure à l'ouverture parce que beaucoup de monde passe. Si vous voulez avoir une bonne sélection de et pas ce qui reste, c'est-à-dire deux, trois archis dans un coin, passez à l'ouverture. Oui, mais en plus, à l'ouverture, plus tranquille, vous avez une belle sélection. Puis en plus, justement, vous voulez encourager vos bons marchands locaux là, de comic book, là, ben achetez-en donc. Achetez-en un ou deux, puis remerciez-le. Parce que c'est pas si cher, là, un comic book, là, non, d'ici, on là. On parle de 2 à 3 $ dépendamment. Puis même encore un graphic novel qui va, dans le fond, réunir un peu de 6 à 7 volumes, va vous coûter 12 $. Ça vaut la peine, là, puis vous allez avoir des, franchement, de la qualité. Ça fait que, meilleure façon d'encourager, dites merci à votre le marchand local d'être là, dans cette grosse promotion-là, puis achetez-lui quelque chose, parce que si vous êtes là pour ça, c'est parce que ça vous intéresse un peu, donc lâchez donc vous lousse. Mais comme je dis souvent, achète parce que tu respectes. Oui, ouais, tout à fait. De toute façon, acheter, c'est voter, puis acheter, c'est respecter également les gens qui ont créé. Donc, allez faire vos achats chez vos marchands locaux de comic book. Excellent. Donc, je vais passer au prochain point. Oui, on va parler d'Iron Man, parce que là, le troisième film s'en vient dès ce soir. Ce soir, la critique est bonne apparemment jusqu'à maintenant. Moi, j'ai la même peur, là, la peur du Spider-Man 3. Non, moi, j'ai peur du Dark Knight Rise. Le scénario me fait beaucoup penser à Dark Knight Rise, sérieusement. On parle d'un terroriste qui est le terroriste, comme je dirais, ultime en tant que mandarin, qui ressemble, le concept ressemble beaucoup au Bane de Dark Knight Rise. Mais en même temps... Qui veut briser un super-héros. Mais en même temps, tous les vilains peuvent faire ça. On est dans, justement, là, on parlait de la thématique adulte. Là. On met des films, même si on sait que c'est carrément, c'est fantaisiste, c'est de la BD, c'est de la fiction pure et dure. Il y a quand même une volonté d'avoir un minimum de réalisme dans les films. Et le fait que, surtout dans le cas de Tony Stark, qui est un super-héros affiché, tout le monde sait que c'est le Iron Man. Il faut mieux casser. C'est sûr qu'il y a quelque chose qui va se passer à ce niveau-là, puis avec le trailer qu'on a vu, on sait qu'il va avoir une attaque. Non seulement il représente le super-héros consommé, là, aussi, le rêve américain. Oh, oui, tout à fait. Là, c'est une image qui va être brisée. Ça m'étonne pas trop, mais il faut dire que... En tout cas, Dark Knight Rises, j'avais bien aimé quand même à mon premier visionnement. Clairement moins fort que le deuxième, mais quand même un très bon film avec le recul. Ouais, c'est sûr. Le petit côté réalisme que, tu sais, ça accroche. Tout le monde le dit, là, évidemment. Tu sais, la prise de Gotham est vraiment pas réaliste. Mais bon, tu sais, je reste dans l'esprit du comic book, du film de super-héros. Ça me dérangeait plus ou moins. Et les enfants, ce n'est qu'un film. Ouais, c'est ça aussi. Il faut arrêter de capoter, là. Mais Iron Man, moi, ce qui me faisait peur, c'est le trop, non, parce qu'il n'y aura pas juste le mandarin. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ennemis dans le film. Il y a le concept d'Iron Patriot que je ne comprends pas trop, parce que dans toutes les BD, l'Iron Patriot est un méchant. On transforme War Machine en Iron Patriot. Pas certain. Ça brise un peu le concept du « Je suis un méchant, qu'est-ce que je fais pour faire chier les autres en prenant leur job? Je vais voler l'identité de Captain America et d'Iron Man en même temps. » Quelle ironie. Ouais, ça enlève un peu l'ironie du personnage. En tout cas, j'ai hâte de voir, là, en tout cas, dans les prochaines semaines. Non, mais pas pour moi, malheureusement. Parce que moi non plus. ça sera une autre fois. Mais ma gang de chanceux. Ça sera une autre fois. Mais là, tu nous as amené quelques comics, justement, pour nous parler d'Iron Man, parce qu'Iron Man, ça vient du comic book. Oui, effectivement. Donc, je vous lance quelques amuse-gueules, un peu, pour mettre en appétit pour le film, ou pour ceux qui auront découvert Iron Man avec le troisième film, ce qui m'étonnerait beaucoup, parce qu'il y a quand même deux gros films qui sont sortis avant, et The Avengers. Ouais, le deuxième était assez ordinaire, Iron Man, là, mais bon. Moi, comme je dis, ce n'est qu'un film, les enfants. Moi aussi. Je vais commencer par, allons-y, ce qui est pas mal la base d'Iron Man, je dirais la bible d'Iron Man, et qui a refait un peu je dirais la genèse d'Iron Man pour les dernières années, parce qu'on sait que Iron Man au départ a toujours été un milliardaire excentrique, Tony Stark, plein de cash, qui allait juste un peu créer des armes et faire des frivolités dans d'autres pays, avant de se faire capturer par les ennemis. Donner Iron Man, au départ, c'était au Vietnam, parce que c'était à l'époque une critique sociale sur la guerre du Vietnam et la course d'armement technologique avec l'URSS, ce que Stan Lee en dit, du moins. Dans le fond, avec la BD extrémiste de Warren Ellis et Adi Granov. Dans le fond, dans cette BD-là, on avance un peu dans le temps, parce que Iron Man ne peut pas avoir 40 ans pendant 30 ans. Donc, on envoie ça plus dans les conflits du Golfe Persique, où c'est qu'Iron Man est capturé par des terroristes, forcé de créer des armes et créer le saut d'Iron Man, un peu comme le premier film, que les origines d'Iron Man est un peu pompées sur extrémistes. Ben d'ailleurs, ouais, c'est ça, l'esthétique du saut ressemble... C'est exact, c'est ça. C'est celui du film. C'est ça, toute la série de films d'Iron Man, d'Avenger, du côté d'Iron Man, est pas mal basé ce qui a été fait avec la BD extrémiste, qui est pas mal la pierre angulaire, je dirais, de Iron Man depuis quelques années en frais de BD. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que le concept d'extrémiste, dans le fond, extrémiste, c'est un virus technologique, un nano virus technologique, un mini-robot dans le fond, qui permet à Iron Man d'être carrément le Iron Man. Dans le fond, il n'est plus obligé de mettre une armure, il devient l'armure et est capable aussi de parler au cellulaire avec sa pensée ou de voir ce que les satellites voient. Donc, devient vraiment Tony Stark devient vraiment la machine. Va être exploité dans le troisième film où on le voit dans les annonces, c'est qu'on voit l'armure carrément s'attache sur lui dans les airs. C'est exactement ce qui se passe là-dedans. Puis on invoque tout le principe de techno-terrorisme avec justement ces nanotechnologies qui vont créer des monstres pour essayer de recréer encore Captain America, qui est le thème basique du terrorisme de Marvel. Il faut dire que moi, je suis en train de regarder ça pendant qu'on se parle. Le dessin est très léché. C'est cru, là, je veux dire, il y a des bouts quand même. C'est extrêmement violent, par mais c'est non, le dessin est léché. C'est une j'aime bien l'esthétique de ce comic book là. Ensuite, je vais aller avec ce qui était, d'après moi, le post-extrémiste la plus solide série, qui a duré d'ailleurs le plus longtemps et qui a été récompensée le prix Eisner. Les prix Eisner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu l'équivalent du Oscar dans les comic books. Will Eisner était un des pionniers du comic book qui a un peu créé le concept de roman graphique. Donc avec The Invincible Iron Man, toute cette série-là, on peut l'avoir, je pense, c'est 13 ou 14 volumes actuellement, on parle en recueil, par, je pense, c'est Warren Ellis, c'est ça? Matt Fraction, Salvador Larocca. Salvador Larocca, ok, ouais. Oui, c'est vrai. C'est une équipe qui a duré très longtemps, on parle quelques années ensemble dans le comic book, c'est très rare. Ils l'ont arrêté récemment à cause du reboot de Marvel Now, qui est d'après moi pas une sorte de reboot, plus une réaction à ce que DC a fait, plus qu'une nécessité. Donc la série a été achevée assez abruptement, mais qui est quand même une série solide qui part après Civil War, qui est un événement où les super-héros se battaient entre eux autres, savoir s'ils allaient garder le droit d'avoir un anonymat ou être des agents du gouvernement. Iron Man a pris le bord du gouvernement, sera mort directeur de S.H.I.E.L.D., qui est l'agence qui régule un peu, comme on voit dans Avengers, tous les actifs d'espionnage des États-Unis et les super-héros. Donc, il prend la place de Nick Fury, entre guillemets. On sait ce que ça peut donner. Et on assiste un peu de volume en volume à la disgrâce totale de Tony Stark, qui passe de grand héros après la guerre civile des super-héros, où c'est qu'il a battu Captain America, où c'est qu'il a ramené l'ordre et la paix dans le monde et le contrôle sur les gros méchants et les super-héros qui utilisent leur pouvoir un peu tout croche, entre guillemets, le Hulk. Ouais, effectivement, Hulk, c'est pas un modèle, vraiment. Donc, on le voit... tout le long de la série, antagonisé par d'autres héros comme Spider-Man qui n'ont pas pris son bord, ou simplement complètement tombé après la chute de S.H.I.E.L.D. Ce événement que je ne révélerai pas pour ne pas baser des punches, est de devenir le fugitif numéro 1 aux États-Unis et devoir carrément effacer son cerveau tel un disque dur pour ne pas révéler le secret au gros méchant. Ah, c'est bon ça, mais c'est toujours... Moi, c'est ça, le chapitre Civil War, ça c'est vraiment intéressant, vraiment une belle approche, là. Ça change justement les bons, les méchants, puis... Oui, parce que des deux côtés, les méchants et les bons se joignent chacun à leur bord, parce que chacun ses ennemis, chacun ses principes. C'est un truc beaucoup plus nuancé, je trouve ça vraiment intéressant. Puis ça, les Mr. Man, c'est un peu... Toute la série, pendant quelques années, était un peu le backlash de tout ça, côté Iron Man, parce que c'était un des deux personnages les plus impliqués, puis Captain America étant mort après, je mets en guillemets, parce que personne ne reste mort dans le comic book, non, sauf Jason Todd et Bucky, et ils sont très vivants en ce moment. Mais effectivement, c'est quelque chose qui peut tuer à long terme. La fin est un peu abrupte, comme je le disais, mais c'est quelque chose qui s'imbrique très bien dans toute la continuité. On voit un retour du mandarin, bien sûr, qui manipulait de A à Z tout depuis le début. Bien évidemment. Bien évidemment. Et la descente aux enfers et la renaissance, entre guillemets. Parce que ça prend, quand il y a une descente aux enfers, il y a évidemment une renaissance, telle le phénix qui renaît de ses cendres. Et voilà. Et là, on a aussi un autre, donc ça s'appelait Five... C'est The Five Nightmares, mais ça fait partie de la série Invincible Iron Man par Matt... Matt Fraction et Salvatore Larocca a demandé à fortement conseiller. Merci beaucoup. Et autre volume. Je passe aussi, là, je vais plus dans le classique, parce que c'est sûr que j'ai pas, je dirais que les plus trucs d'Iron Man. Ouais, je vois ça, là. Sont un peu plus, on a Tony Stark avec une moustache et un mullet, soit un coupe longueuil. Armor War, qui est d'après moi la meilleure série, du moins le meilleur recueil de Iron Man années 80-90, parce que comme je dis, à ces époques-là, beaucoup de narration, beaucoup de... un peu cliché, je dirais, très très cliché même. C'est pas mon époque favorite du comic book. Juste dans l'esthétisme, on le voit. Là. Mais intéressant sur le fait que c'est un peu un autre thème récurrent, encore une fois, le technoterrorisme, où Tony Stark se rend compte que son laissé... ses brevets pour son armure ont été volés ou vendus à des intérêts soit bons, soit méchants, parce que oui, effectivement, il va se battre contre des méchants qui ont des armures similaires à la sienne pendant tout le recueil, mais aussi à des factions amies comme le Shield, qui, par hasard, a retrouvé ses brevets en sifflant comme des épées. Donc, il se ramasse à venir hors la loi et à casser la gueule à peu près tout ce qui s'y porte une armure dans le monde de Marvel, sauf Doctor Doom, ce qui se passe dans le deuxième volume. Ah, OK. C'est la suite. Ah, c'est vraiment intéressant, mais c'est ça le... Mais comme je dis, c'est pas pour tout le monde parce que c'est un esthétisme assez classique, mal vieilli, c'est très classique, c'est très cliché. C'est comme un peu regarder un James Bond des années 60. Ah, ça fait un peu mal des fois. C'est bon. Donc, Armor Wars de Micheline Layton et Winsor Smith. Ah, voilà. Mais c'est ça, c'est plusieurs auteurs. Fait que des fois, on voit que la qualité change de page en page parce que c'est vraiment des recueils d'une série sur plusieurs mois. Là. Excellent. Et autre, on en a deux derniers. Je vois deux petits derniers. C'est le poste Marvel Now, qui était le pseudo-reboot en réaction au New 52 de DC. Aussi, qu'on envoie Iron Man dans l'espace avec la série tout simplement intitulée Iron Man. C'est vrai que je suis un peu moins convaincu. Ça ressemble beaucoup à une histoire des Fantastic Four, ouf, mais avec Iron Man dedans. Ouf. Donc, Iron Man étant dégoûté un peu de ce qui se passe sur Terre, a besoin de prendre du recul. Je viens de voir la couverture, puis je suis pas convaincu. Se crée une armure spatiale qui permet de voyager dans l'espace à des vitesses fulgurantes, telles pratiquement Goldorak, et de se battre après contre tous les extraterrestres, de se battre et de, je dirais, de séduire toutes les dames de l'espace, tel un Capitaine Kirk en route. Ouais, c'est ça que j'allais dire, tel Capitaine Kirk avec. C'est, en gros, ça résume bien. Pas très convaincu, je dirais que c'est une série que j'ai commencé un peu dans l'espoir de retrouver un peu l'excitation que j'avais avec The Invincible Iron Man, mais que j'avais vraiment abandonné assez rapidement. Des bonnes idées, mais comme je ne suis pas personnellement fan des Fantastic Four, et j'ai l'impression de lire du Fantastic Four. Ouais. Je suis moins convaincu par celle-là. Autre, pour ceux qui, encore dans le très récent, Guardian of the Galaxy, qui était un titre qui était relancé, qui est une équipe un peu à la Avenger, mais dans l'espace. Donc, un très beau space opera, pour ceux qui aiment ça, avec des héros moins connus, où on a une équipe dans fond qui va défendre la Terre et la galaxie contre les menaces non vues de l'espace. Donc, Iron Man va se joindre à ça. Donc, je dirais que c'est le meilleur titre actuel de Iron Man. On le voit moins, mais ça fait plus, c'est plus dans la lignée d'Avenger ou d'autres titres du genre où qu'on est de voir Iron Man fonctionner en équipe avec son attitude et son humour habituel. Excellent. Hey, merci beaucoup, Julien, d'être passé à l'émission pour nous parler d'Iron Man. Ça fait plaisir. Donc, vous pouvez retrouver ça, bien évidemment, chez vos marchands de comic book préférés. Nous, notre de préféré, ça s'appelle Première Issue, que vous pouvez retrouver sur la rue d'Auteuil. Vous passez les portes Saint-Jean et la première rue à votre droite en montant, là, vous allez tomber dessus. Ce sera pas très long. Allez y voir, allez vous chercher ça sur Iron Man ou n'importe quoi d'autre. Et, bien évidemment, allez les voir pour le Free Comic Book Day ce samedi 4 mai. Merci beaucoup, Julien. Et on passe à musique, M. Castegan. Living la vida loca. Excellent. Et Living la vida loca, c'est pas la version de Ricky Martin. J'aimais ça maintenant plus séduisant. C'est la version de Ten Masked Men. Préparez vos oreilles parce que ça fesse. Vous entendez ça à puissance maximale sur les ondes de CKIA FM 88.3 à Québec. Superstition, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition that those gonna make me fall. Season to new sensations, new kicks in the candlelight. She's got a new addiction for every day and night. To make you take your clothes off and go dancing in the rain. To make you live a crazy life, or she'll take away your pain, knock a bullet into your brain. Come on, offside, inside out. She's living a vida loca. She'll push and pull you down. Living a vida loca. Her lips are there for red. And speech will call a loca. She will wear you out. Living a vida loca. Living a vida loca. Come on. Living a vida loca. Oh. All right. Ooh. cheap hotel. Set to my heart and just about money. She wants a slippy, a sleeping pill. She never drinks the water. Hey, she wanna break champagne. Once you've had a taste of her, you'll never be the same. Cause she'll make you go insane. Upside, inside out. Leave a nothing on your car. She'll push and pull you down. Leave a nothing on your car. Her lips are devouring. And it's been the color of vodka. She will wear you out. Leave a nothing on your car. Alright, leave a nothing on your car. Come on, leave a nothing on your car. Take your clothes off and go dancing in the rain. To make you live a crazy life, or to take away your pain. Like a bullet to your brain. Upside, inside out. She's living the vita loca. She'll push and pull you down. Living the vita loca. Her lips are devouring. And her skin's the color of vodka. She will wear you out. Live in the vita loca. Come on, live in the vita loca. Come on, live in the vita loca. So you gotta love me, come on. Oui, vraiment. Ok, je suis Normand Lamour et puis vous écoutez Puissance Maximale. Mon petit bébé d'amour. Mais mon Dieu, Andrew! Qu'est-ce donc que ceci? C'est ça, le monde dit, ça sent les Nordiques. Nous autres, on dit, ça sent le concours. Et oui, mesdames et messieurs, c'est la chanson qui annonce un concours à Puissance Maximale. Et cette semaine, parce qu'on a une bonne nouvelle à vous apprendre pour Puissance Maximale, en fait, une nouvelle qui va vous inclure, vous, frères fans, c'est qu'on vous fait un petit cadeau comme ça. Et ce cadeau, c'est le jeu Switch, dont on a parlé il y a quelques semaines. Vous pouvez aller sur le site internet, d'ailleurs, le www.puissancemaximale.com, pour aller chercher l'émission qui s'appelle Puissance Scorpion, pour aller écouter la critique qu'on a faite du jeu Switch. Et on le fait tirer ce soir, mesdames et messieurs. Et Endo Castegan, une question pour vous. Oui, on a parlé du Free Comic Book Day. Donc, je sais que ça a été un peu superflu sur le moment, mais si vous vous rappelez, on avait parlé que la première édition du Free Comic Book Day avait été faite le 4 mai 2002. Chose qu'on avait parlé rapidement, c'était en association avec un film qui était Spider-Man. Ceci est une tradition depuis approximativement 12 ans, que le premier samedi de chaque mois de mai, il y a le Free Comic Book Day, sauf une année. Donc ça va être une question où je vais avoir besoin de trois réponses. Premièrement, quelle édition? La date? Et pour quel film? Oui, parce que c'est pour un film que ça a été déplacé, ce Comic Book Day. Donc, c'est facile à trouver, là. Vous pourrez aller voir sur les internets. Et bien évidemment, vous participez via la page Facebook de Puissance Maximale. Vous tapez Puissance Maximale dans la barre de recherche. Vous pèsez sur le piton J'aime. Parce que nous, on vous aime, mesdames et messieurs, mais on veut vous gagner ce jeu. Donc, vous allez répondre dans la boîte par message privé à Puissance Maximale. Et on va remettre le jeu au gagnant. Vous pouvez faire ça tout de suite ou on vous laisse toute la semaine même pour aller chercher l'information. En fait, vous avez jusqu'à l'émission de la semaine prochaine. Si personne ne réclame le prix, ben... On leur fera tirer une autre chose. On leur fera une autre chose. Mais voilà, vous avez toute une semaine pour aller chercher ça, cette information-là. Mais évidemment, c'est le plus rapide qui nous répondra, qui aura, bien évidemment, le prix. Et, mesdames et messieurs, on est rendu à la grosse affaire, l'annonce que M. Castegan et moi voulaient vous faire par rapport à Puissance Maximale. Écoutez, il y a quelques semaines, moi et Andrew, on parlait de l'émission comme ça. Après une des émissions de Puissance Maximale, on était ensemble et on se disait qu'il y a plusieurs projets qu'on a pour l'émission depuis un petit bout. Entre autres, vous savez qu'à chaque année, on fait des couvertures d'événements comme AG Animé. On fait ça depuis 3 ans. Et on fait d'autres événements. On va ailleurs aussi. Et là, on veut aller au niveau supérieur, moi et Andrew. Et pour ça, ça prend des sous. Et Andrew a une excellente idée, en fait, c'est de se servir du site Indiegogo pour vous demander, chers auditeurs de Puissance Maximale, de nous aider dans cette tâche. Je vous explique rapidement. Indiegogo, ça fait penser à Kickstarter. En fait, c'est exactement le même principe. On vous en a parlé souvent, moi et Andrew. Donc, c'est un site où les gens vont faire des projets de financement. On va demander aux gens de participer et contre la participation, on leur offre bien évidemment des petits goodies sur le on the side, des contreparties, vu leurs dons. Donc, voilà là, la grosse nouvelle. En gros, ce qu'on vous demande, mesdames et messieurs, on a un objectif assez tout petit, là, 5 500 $ pour l'émission. Je vous explique à quoi va servir l'argent. Ça va pas dans nos poches, loin de là. C'est un 5 500 $ qui va servir, entre autres, à refaire le site Internet de l'émission. Je vous explique, parce que pour beaucoup de personnes, un site Internet, c'est facile à faire, ça se fait tout seul. Vraiment pas. Écoutez, un site Internet de base, là, ça coûte environ, et c'est vraiment conservateur, 5 000 $ à faire, en fait, auprès d'une compagnie. Andrew est quand même ferré dans le domaine de la programmation web, sauf que ça prend énormément de temps. Et on fait l'émission de façon bénévole. On vous le rappelle, moi et Andrew, quand on sort à l'extérieur de la ville, c'est notre argent qu'on prend, on dépense ça, puis c'est bien correct parce qu'on aime ça, faire ça. C'est une passion. Sinon, on serait pas là chaque semaine pour faire une aussi bonne émission. Mais ça sort de nos poches et on n'a pas vraiment les moyens de payer 5 000 $ pour un site, mais on s'est trouvé quand même des partenaires qui seraient prêts à nous aider pour 3 000 $. Et ça, c'est le plus gros morceau. Le reste de tout ça, c'est pour acheter de l'équipement pour nous permettre de faire des émissions en dehors des studios de Sequoia. C'est pas qu'on aime pas notre studio, on aime ça être ici, mais des fois, des possibilités d'aller faire des émissions à l'extérieur dans des commerces, comme justement Première Issue, on pourrait aller se promener Fanamanga. Chez Fanamanga, aller se promener un peu à Québec et ailleurs pour faire des émissions préenregistrées là-bas pour vous faire découvrir vraiment sur place les endroits geeks et ludiques et de la ville de Québec. Et permettre d'entendre un peu l'ambiance. Ben oui, c'est ça, c'est vraiment là, d'être dans le bain, justement, dans le bain geek et ludique à Québec. Donc, ce n'est pas juste entendre un bruit de fond de studio ou encore un invité comme Julien tousser dans son micro. Et voilà, vous pourrez l'entendre tousser avec une crowd autour. C'est ça, vous allez pouvoir l'entendre tousser en buvant un bubble tea. Et voilà. Il y a du monde qui m'applaudisse. Et voilà. Ben c'est ça. Donc, dans les achats d'équipements, c'est une console de son portable, des micros, des fils, un ordinateur, évidemment, là, pour permettre. Et tout ça, écoutez, ça coûte des sous. C'est à peu près la balance, là, à peu près pour 2 000 $. Qu'est-ce que ça va nous coûter si on veut acquérir tout ça? Bien évidemment, comme on vous dit, on est bénévole. On paye déjà, on vient justement s'équiper d'une enregistreuse portative qui a coûté quand même assez cher. Et on veut continuer à faire l'émission. Et bien évidemment, dans la formule originale, mais on va aller plus loin. Puis on a besoin de vous, mesdames et messieurs. Écoutez, rapidement, je vous parle des contreparties possibles. Si vous rendez évidemment sur le site de Indiegogo, donc on va mettre le lien sur notre page web, le Facebook et le Twitter. Évidemment. Et là, Monsieur Castegan, je vais vous demander de partir le financement maintenant, parce qu'on a attendu d'être en onde. Et là, on met en ligne la page de financement de Puissance Maximale 2.0. Donc, on demande à tout le monde, évidemment, de nous encourager pour qu'on puisse continuer à faire une émission de qualité, mais aussi aller plus loin. Donc, comme je vous disais, un 5 500 $ pour nous aider à refaire le site Internet de l'émission, la mettre plus attrayante et au goût du jour, finalement, et plus pratique pour le multimédia et nous permettre d'acquérir de l'équipement. Donc, console de son, micro, fil, etc. Pour 20 $, mesdames et messieurs, vous faites un don de 20 $, ben, vous serez remercié sur tous les médias sociaux, dont Puissance Maximale a une page, et sur la page web de façon permanente, donc dans les documents et tout. Et sur le site web, il y aura évidemment votre nom en lettres de feu qui sera inscrit sur la page. Pour 50 $, mesdames et messieurs, la même chose, mais en plus, on vous rajoute un T-shirt. Et comme on dit dans la description sur la page de Indiegogo, ce T-shirt augmente la virilité de 75% et le sex appeal de madame de 200%. Donc, pourquoi s'en priver, mesdames et messieurs? C'est prouvé scientifiquement. C'est prouvé scientifiquement. Pour un 50 $, vous nous envoyez ça via la page de Indiegogo, puis nous, on vous fait parvenir un T-shirt à la fin de la campagne de financement, un peu après le temps de faire imprimer tout ça. Et là, en plus, on va plus loin, nous, mesdames et messieurs. On vous demande un 100 $. Qu'est-ce que ça fait, 100 $? Vous avez les remerciements. Vous avez le T-shirt, mais aussi, vous avez la possibilité de venir assister à une émission ici, à Sequoia, ou même, c'est ça, c'est directement ici, à Sequoia. Donc, vous venez assister à l'émission Puissance Maximale pour un petit 100 $. Vous allez voir ça sur Indiegogo. Vous tapez « On donne » et voilà. Le lien est partagé. Le lien est partagé. Sur mon Facebook personnel et la page de Puissance Maximale actuellement. Excellent. Et là, vous avez au-dessus de 100 $, vous avez quel montant temps, M. Castegan? $250. Et qu'est-ce que ça vous donne, ça, $250, mesdames et messieurs? Ça vous donne la possibilité de venir participer à une émission de Puissance Maximale. Donc, T-shirt, remerciement. Vous êtes sur place? Vous êtes plus que sur place. Vous êtes en studio avec nous et on va discuter avec vous. Dans le fond, là, vous faites qu'est-ce que Julien y fait. Et voilà, vous allez venir discuter geekitude et ludicité. Avouez que vous avez le goût de tousser dans un micro. De tousser dans le micro comme lui. Et voilà, donc, vous venez participer à une émission de Puissance Maximale. On va prendre une grosse partie de l'émission avec vous pour parler, finalement, de geekitude. Et vous remarquez que il n'y a pas vraiment de limite. Donc, si on a 200 personnes qui donnent, ben, ça va prendre deux ans. Non, mais le $250, t'as oublié quelque chose d'important. Il n'y a pas juste la participation à l'émission. Il y a aussi de la nourriture. Et oui, parce qu'après l'émission, on va vous amener manger avec l'équipe de Puissance Maximale, donc moi et Andrew. On va aller manger avec vous, continuer à discuter geekitude avec vous, radio communautaire, musique. Qu'est-ce que vous voulez? Bien évidemment. Si vous voulez parler de la taille de quelque chose à Mike, vous pouvez. Oui, tout à fait. J'ai effectivement des grands souliers. Donc, on pourra en parler pendant le repas. Donc, pour $250, vous avez ça. Mais on n'a pas oublié aussi les entreprises qui aiment Puissance Maximale. Vous avez la possibilité de donner $350 à Puissance Maximale pendant cette campagne de financement. Et ça vous donne un an de visibilité sur le site avec une bannière et aussi les remerciements en version podcast de l'émission. Donc, avant le début de l'émission sur podcast, vous allez avoir un remerciement en disant que vous présentez Puissance Maximale. Donc, disons, Hasbro nous appelle. On dit « Hasbro est fier de vous présenter Puissance Maximale. » Donc, si on a 10 entreprises, ben ça prendra le temps que ça va prendre, mais vous serez toutes nommées et vous aurez les bannières sur le site, bien évidemment, pour $350. Et finalement, la plus grande contribution que vous pouvez faire, qui est un peu un clin d'œil geek, on l'a fait. Probablement que personne ne va payer ce montant-là, mais on offre une... On demande aux gens de faire un don. On le permet à une personne. Un don de $9,000 et... 9, non, non, 9,000... 1$. Et cette contribution s'appelle Over 9000. Donc, on fait une référence ici à Dragon Ball. Et qu'est-ce que... En fait, je vais lire le texte que tu as écrit parce qu'il est tout simplement savoureux. En plus de faire une contribution légendaire et ainsi permettre la pérennité de Puissance Maximale pour des millénaires, vous aurez la puissance maximale qu'il faut pour vaincre Vegeta, le prince Saiyan. Et vous obtiendrez les avantages des autres contreparties. Et ce n'est pas tout! Et vous non. recevrez une figurine de Goku, ou peu importe comment vous voulez le nommer, afin de représenter votre puissance maximale. Et oui, mesdames et messieurs, parce que vous aussi, vous avez une puissance maximale et vous pouvez nous le prouver en faisant un don de $9,001 à l'émission via le financement Indiegogo. Et je vous le dis, là, vous allez devenir légendaire. Votre nom va rester dans les annales de puissance maximale pendant des millénaires. L'Internet n'existera plus, il n'y aura plus vie sur Terre. Et les gens vont encore savoir. Vont connaître votre nom, mesdames et messieurs. Voilà, c'était la nouvelle qu'on avait à vous annoncer. Donc, évidemment, on a un 60 jours de financement sur Indiegogo. On vous demande de vous rendre, bien évidemment, en grand nombre, de faire des dons via Indiegogo. Donc, ça marche avec PayPal. Toute la procédure est sur le site. On vous demande de participer en grand nombre. Je vous le rappelle, c'est vraiment pas pour nous mettre de l'argent dans les poches. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est être équipés pour pouvoir aller au-delà de la radio communautaire, puis sortir un peu des studios et nous permettre d'aller ailleurs, puis de faire des meilleures émissions. Ça nous permet de faire aussi du broadcast live, tout ça, et nous permettre également d'arriver plus rapidement avec des émissions et des chroniques faites à l'extérieur. Donc, voilà, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez partager, évidemment, participer, mais aussi partager cette information-là avec vos amis qui veulent connaître, hein, qui veulent connaître Puissance Maximale. Donc, partagez, mesdames et messieurs, et surtout, participez, faites des dons en grand nombre à Puissance Maximale. Et même si vous ne faites pas de dons, partagez, répandez la nouvelle, demandez aux gens d'aimer, de partager l'Indiegogo pour qu'il y ait le plus de monde possible qui voit que Puissance Maximale a besoin de vous. Et on fait ça pour vous. Et oui, parce que si on faisait ça pour nous, on resterait tranquille, on ferait juste jouer, on ferait pas d'émission, on se promènerait pas à Grandeur du Québec à nos frais, mesdames et messieurs. Donc, on fait ça vraiment pour la passion et surtout pour vous. Donc, c'est déjà la fin de Puissance Maximale. Et je voulais vous dire aussi que ça va nous permettre, ça va transformer Puissance Maximale en ambassadeur plénipotentiaire auprès de la communauté geek. Donc, avoir les pleins pouvoirs sur notre destinée. On vous rappelle que Puissance Maximale, c'est un site internet, le www.puissancemaximale.com. Allez écouter nos podcasts et aussi aller voir ça pour notre financement Indiegogo. Allez sur le site, allez sur la page Facebook, Puissance Maximale, barre de recherche. Vous nous aimez, vous partagez la page, bien évidemment, et vous donnez à Puissance Maximale. Ce serait tellement gentil et vous allez avoir un produit tellement magnifique et des contreparties tout aussi magnifiques en faisant des dons. Je remercie M. Andrew Castegan qui est à la console. Merci, Andrew, d'avoir été là. Un plaisir. Et M. Julien Materne qui nous a parlé comic book. Ben, merci, les gars. À la prochaine, Julien. Merci beaucoup d'avoir été là. Mon nom est Michael Michaud. Je vous aime et je vous dis donnez à Puissance Maximale et surtout, surtout, passez une excellente semaine de jeu. You got a girlfriend? Yeah. Yeah. No. It's D&D! Warriors who terrify. It's D&D!